Henri Dess avec Vive le vent, la Jingle Bell. Henri Dess avec C'est le Père Noël. Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui

soir Noël, il a neigé, les gouttières ont des glaçons. Parler, ça fait de la fumée. Noël, vive les mouflés, les capuchons. C'est ce soir Noël, faut décroter ses bottes sur le paillasson, les poser dans la cheminée. Noël, plus tard on y mettra nos chaussons. C'est ce soir Noël, faut découper des cheveux blanches dans du crépon, des étoiles dans du papier. Noël, le petit Jésus dans du carton. C'est ce soir Noël, il faut du gui ou du roux, des guirlandes et des bougies. Noël, et des boules, il en faut partout. Noël, Noël, Noël. S'amuser comme des petits fours, on va manger du dindon. Noël, avec des marrons tout autour. C'est ce soir Noël et c'est magique. Partout y'a des ventreluches, y'a des lutins en plastique. Noël, sur le chocolat de la bûche. Noël, Noël, c'est ce soir Noël. Ce soir Noël, on fait les fous, mais à un moment donné, les princesses et les petits loups. Noël, il faudrait qu'on va se coucher. Car le père Noël, sur son traîneau, il va bientôt débouler, nous apporter des cadeaux. Noël, on a commandé par milliers. Oui. Car le père Noël a des autos et des voitures de pompiers, des poupées et des vélos. Noël, des kilos de pâte à modeler. Il a des crécelles et des sifflets, des nounours et des dinettes, des yo-yo, des bilboquets. Noël, la nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles où l'amour descend du ciel. Noël, Noël, dans la hotte du Père Noël. Bonjour, c'est pour garder les enfants. Joyeux Noël, c'est la fête des enfants. Joyeux Noël, une fois par an. Il y aura plein de jouets, des robots et des poupées. Comment sont-ils fabriqués ? Moi je vais vous expliquer. Ce sont des petits chinois, payés 1 euro par mois, qui crèvent la dalle toute l'année. Tout ça pour vos jouets. Hey! Joyeux Noël, vous diront vos grands-parents. Joyeux Noël, à moins qu'il soit mort. Moi, cette année, j'ai 2 Noëls. Waouh, t'as trop de la chance. Un Noël chez maman, un Noël chez papa. Ta maman t'offre des gros cadeaux, ton papa t'en offre pas. Sais-tu pourquoi cette année maman est aussi sympa? C'est qu'elle a pris la moitié de tout ce qu'avait papa. Hey! Joyeux Noël, si ta sœur a plus de cadeaux. Joyeux Noël, c'est parce que toi t'es adopté. Allez les enfants, vous avez des questions? Pourquoi le Père Noël il dort dehors? Ce n'est pas le Père Noël, mais un monsieur tout pareil. Et sûrement qu'il ne dort pas, mais qu'il est mort de froid. Pourquoi papa il sort avec une fille de 25 ans? Joyeux Noël, c'est la fête des enfants. Joyeux Noël,

Okay, there would seem to be... This is a pre-recorded Bonjour Minnesota, and there would seem to be a defect in the playback here. So I am going to try to see if I can fast forward this. Looks like I can't. Okay. Segment 3, I am going to attempt to reboot this particular segment. And I apologize for just having walked in here and discovered this. I will be taking over for Nikolai tonight, by the way, just so you know. I am Cozy Little. I will be morphing into West and East for that task. But right now, we're going to see what we can do about Bonjour Minnesota. Because this should be heard in its entirety. Avec J'ai vu maman embrasser le Père Noël. Annie Villeneuve avec Joyeux Noël. Okay, we're back here. That didn't work. Oh. Okay, we're gonna... Oh, there. Okay, do I do this? Dalida, avec Noël Blanc. Lynn Renault, avec J'ai vu maman embrasser le Père Noël. Annie Villeneuve, avec Joyeux Noël. Okay, by the way, you're listening to KFAI 90.3 FM Minneapolis. Forget 106.7. I don't even know if that's coming back. But KFAI 90.3 FM Twin Cities and on the internet worldwide at kfai.org. And I can't seem to get segment 3 of this program to work, so we're just going to go to segment 4. Annie Villeneuve, Yann Folli, La Valse des Anges. Les Canadiens errants avec Minuit Chrétien. Nous allons écouter Barbara avec Joyeux Noël. Let's see if this works. This should be segment 4. Ciel, que le monde est petit, tel un ange, je voudrais te protéger aussi. Sauver l'essentiel, la vie, et si cruel cela, pour guérir. La terre guidée par le destin tourne et tourne en mystère nos questions sur demain. Oh, derrière l'arc-en-ciel se cache une étincelle. Si on volait dans les airs, imagine si on marchait sur les mers et dansait en secret la valse des anges. Comme la neige qui descend doucement, vient la paix tombant des cieux pour sécher nos yeux. Doux comme un baiser au goût d'éternité. On aime tant rêver. Oh,

You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and on the web at kfai.org. Wishing you a happy holiday season, no matter what you celebrate. And a special holiday season goes out for me personally to my 6 grandchildren, Jonah, Noah, Lydia, Ozzy, Robert, and Sarah. Happy holiday. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. As 2018 comes to a close, we're thankful for the year we spent together. Our 40th year of broadcasting was one of the most exciting, and we couldn't have done it without you, our listeners and members. 2019 promises to be even more exciting as we expand our online and streaming offerings and provide even more adventurous programming for the Twin Cities and the world. Consider a year-end tax-deductible donation at kfai.org to help us reach these goals and create 40 more years without boundaries. As 2018 comes to a close, we're thankful for the year we've spent together. Our 40th year of broadcasting was one of the most exciting, and we couldn't have done it without you, our listeners and members. 2019 promises to be even more exciting as we expand our online and streaming offerings and provide even more adventurous programming for the Twin Cities and the world. Consider a year-end tax-deductible donation at kfai.org to help us reach these goals and create 40 more years without boundaries. Annie Cordy avec l'impatience. Maryse Le Tarte encore avec le mendiant de Noël. Annie Cordy avec le sapin ravi. Tes yeux d'enfant, le ciel si blanc, et tu attends, le temps prend son temps. Ce soir, va-t-il venir à temps? Vas-tu le voir? Tu regardes la neige, les flocons de neige, 1, 2, 3, 6, 12, 13. Dans tes yeux d'enfant, tout semble trop lent. Ce soir, va-t-il venir à temps? Vas-tu le voir? Et s'il ne venait pas cette fois, s'il ne passait pas par chez moi, si ma lettre s'était perdue, et s'il ne venait jamais plus, et si sonnait minuit, et si sonnait groggy, tu allais rêver dans ton lit. Et si tu laissais faire la nuit? La nuit, comme par magie, s'est évanouie. Tu glisses hors du lit, dehors. Tout est blanc et tes yeux d'enfant sont brillants, impatients d'aller voir, de savoir s'il est venu encore une fois.

sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais l'oublier avec toi. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Programming is supported by the Cedar Cultural Center, presenting Ordinarius, with vibrant harmonies set to Brazilian rhythms and a joyous stage show. Vocal sextet Ordinarius has breathed new life into Brazil's most beloved songs, from traditional chorus to the music of Carmen Miranda. Thursday, January 10th. Tickets and more at thecedar.org. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis-St. Paul, and on the web at kfai.org. This is Brianna, and I'm wishing a happy birthday to my daughter's boyfriend, Jeremiah. And we're all wishing you a happy holiday season, no matter what you celebrate. Tino Rossi, Mon vrai premier Noël. Vox Angeli, avec Noël Blanc. Et Lina Boudreau, avec Noël Jazz. Voilà ton vrai premier Noël. Enfin, ton vrai premier Noël. Seul, au-dessous des 100 000 étoiles qui brillent dans la nuit bleue. Seul, à savoir qu'il est une étoile qui va naître dans nos yeux. Rien pour chaleur que nos mains serrées enchaînées. Toi, comme l'ange envoyé, alors nous dirons oui pour ne plus jamais nous quitter désormais. Oui, pour découvrir dans le soleil de nos matins notre arc-en-ciel. Thank you.

Seton Joy and the International School of Geneva avec Papa Noël, Nadja avec Noël sans vous, et les Zut avec Vive le 26 décembre. Papa Noël, pour ma part, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Mais j'ai quelques amis de la famille que tu pourrais peut-être dépanner. Papa Noël, mon cousin Simon est si seul chaque soir qu'il en vient à douter. Papa Noël, pense à tous les gens comme lui, pense à toutes ces lèvres que l'on n'embrasse pas. Ne peux-tu pas les donner les unes aux autres? Quel joli Noël ça ferait! Offre à Sonia un garçon sincère et serviable qui sort ce qu'elle n'a. Papa Noël, je me dis tout haut à personne. Papa Noël, Viviane voudrait vraiment quelqu'un à faire. Papa d'un petit bébé, Papa Noël, qui voudra plein de jouets pour Noël. Mes à vous seul, vous.